La mort sépare, la vie c'est pire puisqu'on entend que des soupirs et qu'on pardonne quand c'est trop tard. J'ai beau être auteur et faire cet art, j'suis pas à la hauteur de cet or sur terre. L'amour a tous ses torts, on est ses pères à ses porcs qui ont si peur de la mort, de qui l'amour s'évapore par ses porcs. J'ai beau être auteur et faire cet art, j'suis pas à la hauteur de cet or sur terre. L'amour a tous ses torts. On se trompe tous de route, on court vers le néant doucement. On tombe et tout le monde se plante de parcours. Que doucement on glisse, le mal nous enlise dans ses méandres doucement. On court et tout le monde se plante. Puisque tous mentent sur terre, sur terre, sur terre, l'amour a tous ses torts. La haine, la haine, la haine nous sépare de cet or. L'enfer, l'enfer, l'enfer nous plombe, il est trop tard. J'ai beau être auteur et faire cet art, je peux rien y faire. Sur cette terre, et dans tous les secteurs, y'a moins d'éclectique que de sectaires. Sous cette terre d'immuable nature, elle est morte. L'amour cède sa place et la haine sature. Des satires sur ce monde où tous les mots s'attirent. Ça ne change pas la donne mais ça fait réfléchir. Sous cette terre d'immuable nature, elle est morte. L'amour cède sa place et la haine sature. On évite le mal mais on vit dedans. On fonce tête baissée, on court droit devant forcément. On hérite de pères absents qui nous hantent. On court et tout le monde se plante. Puisque tous mentent sur terre, sur terre, sur terre, l'amour a tous ses torts. La haine, la haine, la haine nous sépare de cet or. L'enfer, l'enfer, l'enfer nous plombe, il est trop tard. J'ai beau être auteur et faire cet art, je peux rien y faire. Sur terre, sur terre, sur terre, l'amour a tous ses torts. La haine, la haine, la haine nous sépare de cet or. L'enfer, l'enfer, l'enfer nous plombe, il est trop tard. J'ai beau être auteur et faire cet art, je peux rien y faire.